You, I must be a devil. Oh, but hey, yeah, yeah. But hey. Thank you. au chat. Comme dans Brésil, un truc de fou, un truc de dingue, un truc de psychopathe. Brasil. comme dans Kafka, le château. Kafka. Wow. Viens passer près, brassé par les vagues de l'océan Atlantique, poussé, remis à ta place. Yeah, I don't know why. Nico. Because the sky is blue. Because the sky is blue. Angel, sorry, so, so Vienna. Sorry, so, sorry. Thank you very much. It was a good session.